Merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est très intéressant ce que j'ai pu voir jusqu'à ce matin. Et je suis très content d'être là parce que c'est vrai que c'est important pour des écoles comme l'école de Saint-Étienne, l'école de Grenoble, enfin même Clermont-Ferrand, Lyon, de se rassembler autour de cette question de la recherche qui est tellement importante dans nos écoles d'architecture aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un petit avancement, une petite contribution à la recherche architecturale que j'ai intitulée Contribution de l'anthropologie philosophique à la recherche architecturale, voire même urbaine et paysagère. Alors, je vais essayer de démarrer ça. Ok. Bon, ça marche. Donc, c'est en brouillon, c'est un chantier sur lequel je travaille depuis un certain temps, mais qui est toujours inachevé, et j'espère que ça va vous aider, ou ça va m'aider aussi, à avancer un peu sur ce chantier. Sortir de soi-même pour rencontrer l'autre. Voici un chemin privilégié pour ouvrir la pensée architecturale vers d'autres horizons. Or, la rencontre de l'autre est-elle vraiment à la base de la problématique de l'architecture ? Traditionnellement, une des conséquences de la connaissance est de dépouiller ce monde objectif de son étrangeté afin de nous y sentir plus chez nous. Nous, les architectes, maîtrisons la nature afin de l'adopter et la rendre toujours plus humaine et familière. Mais le monde dans lequel nous vivons n'a plus besoin de se battre, de se protéger des intempéries inclémentes de la nature. L'être humain n'est pas une espèce en extinction. Alors, et si nous posons donc cette question autrement, et si la première tâche de l'architecture aujourd'hui est donc de faire le chemin inverse, pouvons-nous, en tant qu'architectes, penser l'altérité en dépouillant le monde objectif de sa familiarité, de sorte que nous nous y sentions un peu moins chez nous? Que veut dire en effet ce « nous » aujourd'hui quand nous ne découvrons plus seulement que nous vivons avec des humains, des cultures différentes, mais avec des non-humains, des machines et surtout des animaux, comme bien le remarque par exemple le 20e de Pré. Comment penser l'architecture face à telles altérités? Élargir ce qui est familier et partager ce qui est étranger est une double responsabilité de l'architecture aujourd'hui, car il s'agit autant de penser l'autre que de réaliser et d'assumer qu'on est pensé par l'autre. Au centre de cette démarche se trouve donc un défi majeur. L'heure est venue pour les architectes de penser ces altérités plurielles afin de nous permettre de penser autrement l'architecture, ses marges et ses frontières, la définition d'un « nous », d'un « vous » ou encore d'un « eux » avec lequel on peut travailler. Face à ce parti pris, nous nous sommes demandé quel est le but donc de l'architecture en tant que discipline. Voici donc une première hypothèse de travail. L'architecture doit penser l'étranger non seulement humain, mais également non humain, voire animal. Comment réveiller donc l'architecture de son sommeil humaniste? Penser l'étranger est, pour l'architecture, plus qu'un problème de construction ou pensée du bâti. C'est un problème de cosmologie. L'étranger, l'animal, sont donc à être intégrés dans la pensée architecturale comme mode de rapport au monde, à des mondes. Penser l'architecture de ce monde, dépouillé de sa familiarité, nous oblige donc à réajuster et décaler la discipline architecturale de son cadre classique. Nous avons trouvé un premier indice que peut-être peut nous indiquer le chemin à suivre dans le romantisme. À l'époque, un lien entre la nature et la pensée du monde, construisait la naissance d'une éthique et une esthétique. Là, l'histoire naturelle, qui deviendrait par la suite la biologie, était donc vue non pas comme un obstacle rationaliste, mais comme une force accompagnatrice de la réflexion spatiale et temporelle de notre place en tant qu'être vivant dans ce monde. À cet égard, le naturaliste géographe Alexander von Humboldt interprète le monde naturel comme un tout unifié et animé par des forces interactives. Une interprétation qui reprend d'une application de l'idée de force pour comprendre les organismes, telle qu'elle a été développée par exemple par Volta ou par Galvani. Pour Humboldt, le monde était connecté, faisant de la recherche pour comprendre le cosmos, un éternel va-et-vient interscalaire, en quête de similarité et de différence, sans jamais perdre de vue le tout. Autrement dit, au-delà des mathématiques abstraites et des chiffres, la comparaison était le premier moment pour la compréhension du monde. Mais s'il s'agissait d'une comparaison toujours suivie d'une observation et d'une participation. Donc voilà une méthode. Ces voyages étaient légendaires, les voyages de Humboldt, et ils ont dévoilé la richesse du cosmos. Suivant Humboldt, notre parti pris de comprendre un monde non familier nous pousse donc forcément à sortir de l'humain en tant que centre du monde pour mieux y revenir. Or, peut-on aujourd'hui repenser le monde comme un tout, comme un organisme ou une architecture biologique, ou bien comme une biologie forcément architecturale, c'est-à-dire cosmologique? Cette vision n'est pas nouvelle. En effet, cette vision qui amenait à des géographes comme Élisée Le Reclus à proposer la construction d'un immense édifice globe pour l'exposition universelle de 1900. Et cette vision agissait, s'agissait d'un temple de la science au bord de la Seine, représentant le monde, l'inévitable interaction entre le milieu naturel des êtres vivants et la dynamique de l'hérédité et de l'évolution. Donc, plus on descendait, on pouvait constater cette dynamique de l'hérédité dans la démarche d'Élisée Reclus. Élisée Reclus était pour petite note en bas de page, était un géographe, anarchiste, qui a beaucoup travaillé sur la question de, par exemple, des notions comme le naturisme ont été créées par Élisée Reclus. Donc, penser le lien entre la biologie et l'architecture a été également, nous le savons, un des quêtes de la modernité, à travers d'architectes comme Sullivan. Alors, une petite citation de son texte, son fameux texte de 1896, « The tall office building artistically considered ». Toutes les choses dans la nature ont un contour, c'est-à-dire une forme, une apparence extérieure qui nous dit ce qu'elles sont, qui les distingue de nous-mêmes et les uns des autres. Immuables dans la nature, ces formes expriment la vie intérieure, la qualité native de l'animal, de l'arbre, de l'oiseau, du poisson, telles qu'elles se montrent à nous. Ils sont si caractéristiques, si reconnaissables, que nous disons tout simplement « il est naturel ». Il devrait en être ainsi. Pourtant, au moment où nous examinons sous cette surface des choses, au moment où nous regardons à travers le reflet tranquille de nous-mêmes et les nuages au-dessus de nous, vers le bas, dans la profondeur claire, fluide, insondable de la nature, quel surprenant silence, quel incroyable flux de vie, quel absorbant mystère. Il est une loi qui pénètre toutes les choses organiques et inorganiques, toutes les choses physiques et métaphysiques, toutes les choses humaines et toutes les choses surhumaines, toutes les manifestations de l'esprit, du cœur, de l'âme, que la vie reconnaissable dans son expression du fait que la forme suit la fonction. Telle est la loi. Par la suite, des architectes comme Wright, Guimard, Gaudi, Steiner, Mendelssohn, Aalto, les métabolismes, ou toutes ces manifestations contemporaines issues du biomimétisme, par exemple, essayeront de continuer cette quête de l'organique dans l'architecture. Si bien tous ces architectes d'époques différentes ont suivi ces démarches, la question du vivant en tant que tel, c'est-à-dire son ontologie et sa place dans le monde, semble avoir été écartée hâtivement en la laissant dans une sorte de sommeil. Quelque part entre un expressionnisme parfois trop émotionnel et un fonctionnalisme interprété comme complètement mécaniciste et rationnel. Entre expressionnisme et constructivisme, entre vitalisme et mécanicisme, nous allons voir que cette dualité dans laquelle la vie a été emprisonnée par l'architecture n'est que l'expression d'une unité fondamentale. En effet, à la source indirecte de ces logiques architecturales qui mélangent science de l'esprit et science de la nature, c'est la chose, peut-être la théorie de la pratique classique chez l'architecte, les pistes développées par le travail du biologiste Jacob von Uexküll et de l'anthropologie philosophique sont révélatrices. Encore largement inexplorée en France, l'anthropologie philosophique est un courant philosophique apparu en Allemagne dans les années 20 est représenté principalement par Helmut Lesner, Max Scheler, Arnold Gehlen et par des éthologues et biologistes comme Buitendijk et Adolf Portmann, entre autres. Qualifié comme n'étant ni une rubrique au contour imprécis, ni une branche de la philosophie comme l'esthétique ou l'épistémologie, mais une direction de pensée originale. Ce courant philosophique peut nous donner une base sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour faire avancer la compréhension de l'architecture face à des altérités non humaines, l'idée étant de réveiller le lien entre la vie et l'architecture en tant que problème biocosmologique. Pourquoi reprendre cette démarche et en faire définitivement un des objets privilégiés de la recherche ? Le monde humain contemporain nous donne la réponse. L'architecture n'est plus au centre de la protection, comme je le disais tout à l'heure. L'architecture ne porte plus l'étendard de la résistance face à la nature. En fait, paradoxalement, elle a même du mal à porter l'étendard de la protection de la nature. Quelle peut être donc l'architecture de l'architecture aujourd'hui ? Pour reprendre cette formule de propre de la pensée complexe, on parlait ce matin de Edgar Morin, de sa pensée systémique, l'architecture de l'architecture. Je vais essayer de vous exposer une partie de mes recherches sur le problème qui est autant architectural que philosophique. Il s'agit donc d'esquisser les bases d'une pensée architecturale qui puisse partir du vivant et qui doit être finalement rétroactive. Cette pensée architecturale devrait être capable d'une reconstruction théorique, historique et surtout de comprendre la place de l'humain dans le monde. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand et pourquoi l'architecture a choisi de privilégier le traitement des modes de vie au lieu de travailler avec la vie elle-même. Pourquoi ce passage ? N'oublions pas que, comme le remarque Plessner, c'est parce que je suis vivant et non pensant au sujet transcendantal que je dois chercher dans la vie la référence de la vie. Donc il faut chercher dans la vie la référence de l'architecture comme forme de pensée et de la pensée comme forme architecturale. Ainsi, nous sommes poussés à penser le vivant comme forme, c'est-à-dire comme résistance, comme tension existante, où le stable et l'instable s'unissent en son sein du fait de son activité. Autrement dit, nous sommes poussés à penser le vivant comme forme qui nous forme, comme plasticité et comme expression, comme signe et puissance d'apparence. Mais par où commencer ? Le long de nos recherches, nous avons découvert un auteur. Il s'agit de Uexküll, comme je le disais tout à l'heure. C'est un biologiste estonien-allemand, mort en 1944, qui a développé de manière singulière une biologie philosophique ou une biologie théorique très importante et partiellement inconnue ou méconnue en France. Uexküll est donc le point de départ de cette démarche. Malheureusement, le seul ouvrage existant en français, Milieu animal et milieu humain, de 1934, qui a été traduit et réédité en 2010, ne prend pas en compte de la richesse d'une telle pensée sur le monde, une pensée qui a influencé une bonne partie de la philosophie du XXe et du XXIe, je dirais même, des penseurs comme Heidegger, Sloterdijk, Agamben, Deleuze, par exemple, l'exemple de l'attique de Deleuze est tiré de Uexküll, ou des phénoménologues comme Merleau-Ponty sont inspirés. Alors, penser le vivant d'après Uexküll signifie penser un corps indissociable d'un monde qui le construit. Ça, c'est déjà la base. Uexküll conçoit le vivant donc comme un cercle fonctionnel entre l'organisme et le monde qui l'entoure, le monde environnant, ce qu'il nomme une Umwelt. C'est un mot difficile de traduction, on l'a traduit par milieu, moi je préfère garder le mot monde environnant. Le cercle fonctionnel du vivant signifie qu'en tant que tout, l'organisme n'est qu'à la moitié de sa vie. Il n'est que la moitié de sa vie. Ceci semble simple, or cette question qui doit forcément interpeller l'architecte a été peu étudiée par ce dernier, obsédé par l'objet architectural. Depuis ce point de vue, la question pourrait être la suivante. De quelle autre moitié parle Uexküll dans sa réflexion ? L'autre moitié serait-elle donc forcément chez l'être humain un environnement toujours médié par l'architecture ? Ceci pourrait nous aider, et cela est une hypothèse, à construire une condition ontologique, voire même ontogénésique de l'architecture. Non seulement en tant que discipline, ça serait une construction un peu tardive, mais en tant que forme de la pensée, une pensée architecturale, et donc que mode d'existence de l'animal, de la plante et de l'humain sur Terre. Il s'agit donc de réfléchir aux transformations structurelles que nous pouvons observer dans l'architecture en tant que système de pensée et rapport au monde, afin de pouvoir saisir comment cette vision au monde d'existence, qui est l'architecture, continue à participer à l'organisation des mondes et sociétés humaines aujourd'hui. Alors, nous pouvons distinguer chez Uscul trois caractéristiques de ce cercle fonctionnel. Là, je vous montre quelques images du seul texte qui existe en français, qui apparaissent dans ce texte de Uscul. En premier lieu, le vivant dans son cercle fonctionnel se tient au moyen de cercles, ce qu'il appelle un cercle sensorimoteur, c'est-à-dire ses sens, toujours déjà en contact réel et en même temps intentionnel avec un autre que soi, avec le monde environnant ou le monde, ce qu'il appelle le monde commun, avec des êtres vivants de la même espèce. Dans le cercle fonctionnel, au-delà des liens exclusivement matériels et causaux, le vivant entre en contact avec un autre que lui, un quelque chose qui lui est accessible au moyen de ses sens et de la motricité de son corps. Il voit et saisit immédiatement cette chose avec laquelle il rentre en contact. Cette dernière l'affecte et le stimule, éventuellement réciproquement. Ce contact réel, intentionnel, entre un organisme et son monde environnant est donc producteur de signification. Ça produit des signes. En effet, Uscul, père fondateur, est le père fondateur de toute une vaste discipline qu'on appelle aujourd'hui la biosémiotique et qui se décline, par exemple, dans d'autres choses comme la zoosémiotique, c'est-à-dire l'étude l'analyse de l'échelle, la forme, la portée, le but de la production des codes par le vivant. En second lieu, on ne peut ignorer que pour l'être vivant, le monde environnant qui lui est corrélé et le monde commun apparaissent de façon expressive. Pour l'animal, le monde apparaît, pour l'être vivant, le monde apparaît de forme expressive. Et que réciproquement, le vivant lui-même, par la surface, c'est-à-dire par la frontière de sa figure corporelle, apparaît de façon expressive dans le monde environnant et pour ceux avec qui il est en relation. Et l'organe est donc ce par quoi l'organisme se relie à l'extérieur. Le monde environnant est donc ce par quoi je peux me lier à d'autres de façon immédiate. Mais par cette médiation, j'ai besoin donc de travailler l'apparence. En troisième lieu, la troisième chose qu'on peut sortir de ce cercle fonctionnel de Uscul est également notable que le cercle fonctionnel de l'immédiateté médiatisée, comme il l'appelle, entre l'être vivant et son monde environnant, ou monde commun, fonctionne de facto, s'accomplissent rythmiquement et deviennent chez l'animal, par un instinct et l'ajustement, une forme de vie allant de soi. Alors, pour résumer, tout ça semble un peu complexe, mais c'est finalement très simple. Premièrement, le monde du vivant est fait de signes qui l'affectent et que lui stimulent, et qu'à son tour, il va éventuellement affecter et stimuler. Rien qui est dans ce monde n'est un objet neutre pour l'animal. Rien. Tout a une signification. Ce monde est donc clos pour l'animal. Pour l'être vivant, le monde apparaît de forme expressive. L'être vivant est donc lié immédiatement au monde à travers la médiation de l'apparence. Donc, le monde clos, le monde de l'apparence. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'apparaître. Et troisièmement, ce rapport au monde de l'être vivant est basé sur une immédiateté médiatisée qui est définie comme forme de vie. Alors, cette vision d'Uscul abolit complètement notre vision anthropomorphique du tout, de la Terre. Vision qui remplaçait systématiquement le problème de l'humain comme le problème de la Terre et du cosmos comme un problème exclusivement humain. Donc il ne s'agit plus de parler d'un monde, mais de parler des mondes. Le monde du chien, le monde de la mouche, le monde de l'homme. Cette vision d'Uscul décrit le monde en parlant, par exemple, de l'abeille. Ça, c'est un exemple qui est assez intéressant. Il part de l'abeille et de la fleur, et il se dit, mais pourquoi, comment ça se fait qu'une abeille et une fleur, qui ont une apparence tellement différente, qui ont une structure et un organisme tellement différents, structurellement différents, comment ça se fait qu'on a, l'impression que la fleur, elle est faite pour l'abeille et que l'abeille, elle est faite pour la fleur. Comment ça se fait qu'il existe ce qu'il appelle une mélodie du monde? Alors, cette mélodie du monde, c'est une question, finalement, une question musicale du lien entre l'organisme et son environnement. Et cette question est représentée par Uxküll comme une sorte de fil invisible qui existe entre, donc, un phénomène extérieur, quelque chose qui est de l'ordre de l'extérieur, et la constitution même de l'organisme du vivant. Donc, ces phénomènes extérieurs, pour ainsi dire, rentrent dans la structure de l'organisme du vivant. Donc, la relation du vivant à son environnement est finalement contradictoire. Nous, notre relation avec l'environnement est contradictoire. Même dans sa forme primitive, il y a toujours une partie de monde avec lequel et contre lequel nous vivons. L'être vivant vit. Ceci développe une logique de la frontière. Voilà, c'est ce que Plesner appelle une logique de la frontière. La relation du vivant à son milieu fait qu'il n'y a ni adéquation complète, ni indifférence. Alors, ceci produit une sorte de plasticité. C'est vrai qu'il y a une dimension esthétique très forte dans cette relation. C'est-à-dire une tension où le stable et l'instable s'unissent. Alors, au lieu d'être une sorte de contrainte, cette instabilité, au lieu d'être une contrainte avec laquelle nous pouvons travailler, elle est peut-être vue aussi comme le signe d'une sorte de liberté de s'expresser, de s'exprimer, d'une liberté s'exerçant à l'encontre de la forme, mais au sein même de la forme. Mais quelle est la spécificité donc de l'humain comme être vivant, c'est-à-dire comme sujet qui produit une forme, comme corps qui produit donc une frontière? Quelle est sa spécificité? Plesner nous dit « est sujet tout ce qui est capable de se spatialiser et de se temporaliser. » Car ce qui est important pour définir l'être organisé est ce que Plesner appelle la positionnalité. Voilà la grande contribution de Plesner. C'est quoi cette positionnalité? C'est le fait qu'un vivant est en union absolue est une union absolue de l'espace, mais aussi du temps, et qui possède un lieu naturel. Espace, temps, lieu naturel. C'est-à-dire un umwelt. En effet, le corps, par exemple, qui grandit, possède, dans l'extension de sa frontière, une mesure absolue de l'espace. Quand je grandis, je pousse ma frontière. Mais aussi, quand je vieillis, je mesure le temps. Je pousse le temps. Donc, la frontière physique et la frontière temporelle. Alors, tout ça, il y a un texte fondateur de Plesner qui s'appelle « Les degrés de l'organique et l'homme », qui est une sorte d'introduction à l'anthropologie philosophique. Ce texte, qui a été produit dans les années 20, 1928, vient justement d'être traduit, presque 100 ans après, par Gallimard en 2017, et c'est dans ce texte qu'il commence à comprendre comment il existe des différentes formes du sujet, c'est-à-dire il fait ce va-et-vient entre la plante, l'animal et l'humain, et il se dit que en fait ces modes d'élaboration de catégories plante, animal, homme sont, on va dire, commun à tous les écrivains qui ont été associés à ce qu'on appelle l'anthropologie philosophique. C'est-à-dire que c'est une pensée pas du haut, on va dire, mais du bas, c'est-à-dire de la condition biologique même du vivant. Alors, Plesner, comment il élabore ces catégories? Déjà, il se dit, bon, on va penser la plante. La plante est un sujet qui n'est qu'un passage. L'absence de mouvement fait de la plante, il dit, la section non autonome du cycle vital qui lui correspond. La plante, elle n'est pas autonome. Pour Plesner, elle est donc une forme ouverte. Elle dépend continuellement de son environnement. C'est-à-dire, elle est toujours traversée. Elle n'a pas de centre, parce qu'elle s'incorpore immédiatement à son environnement, sans médiation, directe. Malgré le fait d'avoir une activité adaptative, la plante a une capacité d'adaptation. Son pouvoir à l'égard de la forme et de son milieu est réduite, voire même presque nulle. L'animal, par contre, se situe à un autre niveau. On pourrait parler d'un autre niveau ontologique. Sa forme n'est pas ouverte comme celle de la plante, sa forme est close. Il est capable d'autonomie dans ce qu'il appelle le cycle vital qui compose son cercle fonctionnel, c'est-à-dire il peut bouger. Il peut se constituer en tant que centre. Donc, il est un centre qui a une autonomie, qui peut se déplacer. Ce centre est la nature même de ce que je disais tout à l'heure, sa positionnalité, son espace, son rapport à l'espace et au temps. Ce point fait apparaître une détermination décisive, celui du soi. Donc pour Plessner, l'organisme animal est alors interposé entre son centre et son environnement. L'animal a donc légitimement une conscience sensible. Déjà en 1928, Plessner propose l'animal comme quelqu'un doté d'une conscience sensible. Cependant, la réflexivité de l'organisme animal n'est pas telle que son sujet puisse savoir, puisse se voir comme un centre. L'animal, même s'il est un centre, il ne se voit pas comme un centre. Il n'a pas cette conscience. En d'autres termes, il est tout entier présent à soi dans la diversité de ses parties, mais il n'objective pas cette unité. Il n'arrive pas à objectiver le fait qu'il a une conscience sensible. Il n'arrive pas. Tandis que finalement, chez l'être humain, l'homme, la chose change complètement. Pour l'homme, la vie. Pour lui, l'homme, il est un centre. Mais il n'est pas seulement un centre, mais il a une conscience d'être un centre. Donc, c'est ça ce qui est un peu étrange chez Plessner, c'est qu'il dit « La forme de l'homme n'est ni ouverte ni close, mais elle est toujours en rapport à ce centre. C'est parce que j'ai un centre et que j'ai une conscience de ce centre que ma forme est donc forcément excentrique. Que ma forme est forcément excentrique. Car, finalement, l'excentricité est le propre de l'être qui se sait être un centre, autrement dit, qui peut s'objectiver. La qualité de centre ne peut être la propriété consciente d'un sujet que si celui-ci est capable d'une réflexion absolue sur soi. Il faut donc créer un deuxième moi pour pouvoir apercevoir le premier. C'est parce que j'ai la capacité de créer ce deuxième moi que je peux comprendre que je suis un centre. Pour citer Plessner, la vision de soi-même de l'œil, l'intuition intellectuelle n'est possible qu'à un moi qu'on ne peut transcender. Là, je vous mets une image avec cette citation de Plessner, Claude-Nicolas Ledoux, avec une citation très étrange, j'ai toujours pas réussi à la déchiffrer, d'Alberti, « L'œil du gardien vigilant est une prison d'acier. » Est-ce que c'est cela, une forme d'architecture ? Du point de vue de l'anthropologie philosophique, l'étranger, l'altérité, donc, prend d'ici tout son sens. À partir de ces trois déclinations de positionnalité, de ces logiques de la forme vivante, l'absence de racines est donc caractéristique de la forme excentrique, c'est-à-dire de la forme de l'homme. Étant donné qu'il possède une forme excentrique, il est forcément quelqu'un de déraciné. Voilà pourquoi un texte ultérieur de Plessner définirait l'homme comme l'émigrant de la nature. L'homme comme l'émigrant de la nature. Ainsi, chez l'humain, au lieu naturel se substitue un lieu utopique, en lien, cependant, avec la naturalité de son corps. Pour l'anthropologie philosophique, la situation de l'homme dans le cosmos est donc forcément l'histoire d'un excentrisme. Cela signifie que le transpercement et la nouvelle médiation du cercle vital dont parle Huxkull inaugurent une situation de confrontation inédite avec le monde environnant en tant que monde, avec les autres êtres vivants dans leurs différences, mais aussi avec soi-même dans l'intimité, dans son monde propre intérieur. Pour l'être humain, la rupture du cercle vital se fait en considérant la rupture. Désolé, je me suis perdu. Ainsi, pour l'être humain, la rupture du cercle vital se fait en considérant surtout l'expression et les modalités après lesquelles le monde apparaît indirectement à l'homme et l'homme aux autres. C'est l'histoire de l'expression et la clé chez Plessner. Parce que dans le cas de Plessner, soit en parlant de la plante, de l'animal ou de l'humain, il s'agit d'une façon d'être au monde, c'est-à-dire d'une ontologie. C'est parce qu'il appréhende la corrélation entre organisme et monde d'environnement à partir du sensible que Plessner considère le rapport entre les hommes seulement comme rapport de façade, au moyen de masques et de rôles. Bien évidemment, c'est l'expression le plus intéressant chez lui. Donc, quel est le but de Plessner? C'est de démontrer qu'ontologiquement, on a besoin d'un rapport d'apparence et d'un rapport d'expressivité pour pouvoir avoir notre place dans le monde, pour pouvoir avoir notre forme dans le monde. Alors, le problème, c'est que ce rapport de façade au moyen de masques et de rôles, qui sont finalement des formes standardisées de représentation de l'excentricité, s'équilibre, les équilibres créent une sorte d'équilibre entre la volonté d'être vu et celle de rester dissimulé. Autrement dit, avec l'excentricité, nous nous sommes finalement tributaires du va-et-vient qui se produit quand on pense le lien entre l'organisme et le monde, entre d'une partie le fait que l'homme est un corps et d'autre part le fait que l'homme a un corps. Comme le remarquent les sociologues Bergen et Lukman, qui sont des fidèles héritiers de toute cette mouvance de l'anthropologie philosophique, l'expérience que l'homme a de lui-même est toujours en équilibre entre l'être et l'avoir du corps, équilibre qui doit être sans cesse établi ou réétabli. Mais comment se rétablit donc cet équilibre? Voilà le point crucial pour l'architecture. L'excentricité entraîne forcément des conséquences dans la constitution des environnements matériels. Si bien les hommes ensemble produisent un environnement humain, quelle est la place de l'architecture dans tout cela? Voilà un troisième indice. L'architecture, en tant que dispositif d'immédiateté médiatisée, surveille le fait que l'équilibre entre être un corps et avoir un corps soit rétabli. C'est ça son ontologie. L'architecture devient donc un moyen de production d'une fermeture artificielle de la forme excentrique de l'homme. De là son rôle presque politique de construction de frontières. En tant qu'extériorisation, l'architecture n'est pas dans un contexte organique ou dans un environnement, elle est une nécessité anthropologique. Une nécessité de visibilité qui accompagne notre corps, c'est-à-dire notre condition biologique. Où l'instabilité naturelle de l'organisme humain oblige à l'homme à créer lui-même l'environnement stable de ses propres conduites. Donc c'est l'instabilité qui oblige de créer une stabilité qui va par la suite créer une instabilité. Et ce besoin, comme chez l'animal, est une nécessité donc d'apparence. En effet, déjà il y a des biologistes, Portman en tant que zoologue, il a déjà développé un peu cette idée, en parlant finalement qu'il y a même dans la nature des organismes qui ont un besoin d'apparence même si elle n'est pas adressée à d'autres organismes. Donc c'est une apparence qu'il appelle une apparence inadressée. Mais que toute apparence, voilà pourquoi on est symétrique à l'extérieur et tout un bazar à l'intérieur. C'est une des explications de Portman. Alors, est-ce qu'on peut penser donc la nature, là pour conclure, la nature de l'architecture comme celle de l'image ou de l'apparence? Aujourd'hui, nous vivons donc sous le diktat des images. L'expression et les modalités par lesquelles le monde apparaît assurent un statut privilégié de l'image dans l'ontologie architecturale. Les formes et structures de l'image et des imaginaires, leur usage et pratique sont des sujets très présents dans le métier de l'architecte aujourd'hui. En effet, elles ont une place privilégiée pour la compréhension de l'autre. Il est donc fondamental que la recherche en architecture puisse contribuer à interroger le statut des images et des imaginaires sociaux et architecturaux. En tant que mode d'excentrisme et d'expression, comprendre l'architecte comme un artisan de l'imaginaire, c'est analyser son regard pour qu'il puisse s'ouvrir sur l'étrangeté du monde objectif actuel et devenir apte à comprendre et agir sur sa complexité. En réhabilitant une pensée de l'imaginaire et de l'imagination, la recherche en architecture s'inscrit dans un dépassement de l'iconoclasme moderne et positiviste. L'imaginaire est donc, selon moi, une sollicitation philosophique qui permet une réflexion sur les savoirs disponibles de l'architecte. Mettre le projet architectural à l'épreuve de l'animalité, à travers une réconsidération du rôle de l'architecte comme artisan de l'imaginaire, pourrait peut-être nous autoriser une expérience particulière de la matière et de l'espace. Longtemps, l'architecture a été une science de mise en ordre des choses matérielles. Alors, que se passerait-il si nous partons du bas, en pensant le corps biologique, l'animalité, comme non comme un ordre, mais comme une organisation des mondes? Il s'agira donc de penser une architecture qui puisse témoigner de l'originalité de l'application des notions comme celle de positionnalité excentrique, comme propose Plessner, ou de Umwelt, ou de cercle fonctionnel, comme le propose Uxküll. Mais il me semble que cela pose déjà d'autres questions et d'autres horizons. Or, n'est-il pas vrai que tout résultat scientifique devrait poser autant de questions qu'il contribue à en résoudre? Merci. Alors, merci beaucoup Manuel Bello-Marcano pour cette présentation. On a quelques minutes pour éventuellement, s'il y a des questions dans la salle, pour réagir justement à cette intervention. Je peux donner la parole à quelques personnes. C'est un peu chaud, mais c'est un peu dense à signer tout de suite. Pas de réaction. Ah oui, pardon, je vous écoute. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que le but de l'architecture, c'est de rendre familier le monde. C'est-à-dire, bon, c'est pas le but en tant que tel, mais c'est maîtriser la nature. Et en maîtrisant la nature, la dompte, ça serait de la familiariser. C'est pas tout à fait tout le but de toutes les architectures, mais j'essaye de démontrer que peut-être la question doit se poser, ou peut se poser, de manière différente. Voilà. Goffman, il est un peu plus tardif, mais c'est vrai que la question, surtout la question de la mise en scène, cette mise en scène de cette théâtralité de la vie quotidienne, comme on appelle. Je crois que lui, effectivement, il est en lien. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse d'expliciter chez Plessner, chez l'anthropologie philosophique, parce que c'est quelque chose de très très délicat au niveau historique, surtout parce que, bon, je racontais cela pendant la pause de midi. L'anthropologie philosophique a été un courant de pensée qui a été créé en Allemagne, bon, qui a été rassemblé un peu en Allemagne en 1920, tout en sachant que le père de l'anthropologie philosophique, Max Scheler, avait influencé énormément Heidegger. Heidegger était un de ses élèves, mais il est mort de façon prématurée. Le deuxième, son étudiant, Plessner, est juif, donc il doit quitter l'Allemagne pendant la guerre. Et le troisième, Gehlen, il est du côté des nazis. Donc, du coup, cette atomisation, on va dire, de tous ces penseurs qui partaient du même fondement, qui est peut-être celui de Descola aussi. Avec Descola, moi, ça serait intéressant de voir quels sont les liens, s'il y a eu une influence, par exemple, sur l'idée de multiculturalisme ou de... Oui, on pourrait... Là franchement, j'ai pas recherché là-dessus. Mais bon, en tout cas, le fait d'avoir ces trois personnes qui se sont dissipées a affaibli énormément la question, le courant de pensée qui était la philosophie, hein, l'anthropologie philosophique. Donc, il y a des zoologistes et il y a des biologistes et des éthologues qui ont continué à travailler sur ces notions-là, surtout des éthologues, des zoologistes un peu théoriques. Mais, pour ainsi dire, ce qui a été le paradigme dans la philosophie à ce moment-là a été Heidegger avec sa position sur le Dasein, c'est-à-dire sur être le là, qui est finalement aussi de l'excentrisme. Je me sors de moi-même pour pouvoir savoir où je suis. Par contre, Heidegger, sa position est plutôt, on va dire, métaphysique, c'est-à-dire lui, il ne va jamais travailler l'être humain ou l'être là, le là ou l'existence d'un point de vue anthropologique. Il était, par ailleurs, je crois, un peu contre cette dimension anthropologique, c'est-à-dire c'est le fait de comprendre l'être humain comme un être biologique, comme un être vivant, de comprendre la vie comme un problème biologique. Il parle dans Être et Temps de la pauvreté du monde de l'Attique, pour reprendre l'exemple de Xcul. Il dit que les animaux sont pauvres au monde. Ce qui, pour Plessner, ça serait un scandale, par exemple. Mais bon, c'est une confrontation des idées, des courants de pensée. Et c'est assez intéressant de voir que, par exemple, il y a des pays comme la France où des penseurs comme Plessner, comme l'anthropologie philosophique, ou des géographes comme Humboldt, sont pas assez connus. Moi, Humboldt, je suis né à Caracas. Les voyages d'Humboldt en Amérique latine, on était incroyables. C'est ça qui a permis à Humboldt de produire toute cette idée de cosmos qu'il a construit. Donc, je crois aussi qu'il faut faire dans cette recherche non seulement prendre des auteurs, mais aussi essayer de créer une sorte de géographie des courants de pensée pour se rendre compte que les influences des uns et des autres ne sont pas tout à fait claires dans la construction de paradis dont on parlait ce matin. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est une question aussi que je me pose, quoi. Donc, du coup. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre présentation. Très, très intéressante et très importante pour connaître ce courant de pensée-là. Parce que dans les écoles d'architecture, c'est effectivement quelque chose d'assez méconnu et pourtant, je pense que c'est sans doute assez pertinent. Vous inscrivez en fait dans un débat actuel, en fait, sur, vous l'avez évoqué avec Heidegger, sur le rapport monde animal monde humain. Est-ce que l'être humain a un statut particulier par rapport au monde animal? Donc Heidegger va nous dire. Lui, il a un statut particulier, il a un monde, l'animal a un environnement, donc on a affaire à deux modalités de rapport qui sont d'ordre différent. Et d'autres, comme le droit de Scud, vont nous dire donc, au contraire, il existe des mondes animaux et l'être humain est un animal parmi d'autres, et donc c'est une pluralité des mondes qui se joue. Il y a plusieurs instants de discussion qui ont lieu maintenant, où les gens qui sont, enfin, les philosophes ou les penseurs ne sont pas d'accord sur quelle perspective ou quelle option est la plus intéressante. Moi, je me demandais si dans votre proposition, dans ce que vous dites, il n'y aurait pas presque une alternative à certaines propositions que vous faites, quand vous, par exemple, vous dites, vous dites avoir un monde, avoir un corps et de l'autre côté être un corps. Et donc, comment est-ce qu'on peut articuler ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième façon de le poser qui reviendrait peut-être plus de Spinoza et puis revenu par Deleuze, qui serait, c'est pas être ou avoir, peut-être, mais qu'est-ce que peut être un corps? Ça reformule la question de l'espace et des potentialités mêmes que peut avoir l'espace par rapport à l'expérience corporelle. De la même manière que vous dites le monde végétal, donc qui procède de l'arbre racinement, on s'aperçoit maintenant que dans certaines philosophies, je pense en particulier à Emmanuel Descochères, qui est un philosophe italien contemporain, qui dans un ouvrage qui s'appelle La vie des plantes, nous dit en fait que quand on regarde le monde végétal, il y a beaucoup de choses à nous apprendre, non pas parce que nous amène à penser l'arbre racinement, mais plutôt à penser le mélange. C'est-à-dire comment est-ce que la plante est dans un rapport de mélange continuel avec son environnement, parce qu'elle absorbe du CO2, elle projette de l'oxygène, etc. Et donc, lui, il parle d'une ontologie du mélange, et non pas de l'arbre racinement. Donc, voilà, c'est simplement une question très large, très ouverte, en se disant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une alternative, ou des alternatives d'ailleurs possibles, à cette pensée-là qui essaye de poser des rapports plus durables, qui peut-être aller plutôt du côté du mélange et de la potentialité possible. Alors, c'est une question. Oui, ça, c'est une question. c'est une question intéressante. Et l'histoire de Spinoza, c'est vrai que. Mais. Moi, ce que je me pose aujourd'hui, le chantier, et dans lequel je crois que l'architecte il est complètement absent, c'est qu'en développant des manières d'observer les altérités, soit animales, soit peu importe, on s'est aperçu qu'on pouvait développer des technologies. Des technologies pour rentrer en contact avec ces altérités. Et ces technologies nous permettent aujourd'hui de nous rendre compte déjà qu'on posait les mauvaises questions. Comment poser des bonnes questions? Comment véritablement leur poser à ces êtres vivants des bonnes questions? Vincent Depré le dit dans un de ses textes. Et aussi, comment surmonter cette division classique et qu'on retrouve, je crois, d'une certaine manière dans les écoles d'archi, entre vitalisme et mécanicisme. C'est une division qui traque énormément l'architecture depuis très longtemps. Au-delà des problèmes du positivisme, de la modernité, de la techné, de tous ces paradigmes qui sont en place, je crois sincèrement qu'on est toujours dans cette dualité, et je crois que pour pouvoir trouver une sorte de fondement commun à cette dualité, il faut partir de la vie en tant que vie, et ne pas se perdre dans le chemin. Donc, effectivement, quand vous parlez du mélange, de cette ontologie du mélange qui pourrait exister dans la plante, oui, mais quelles autres questions on va pouvoir... quelles sont les autres questions, les questions futures qu'on va pouvoir se poser une fois que la technologie va nous permettre de poser ces bonnes questions? C'est-à-dire, ces découvertes de la plante... ne sont pas les seuls, à mon avis. Donc suivre, avoir une sorte d'observatoire qui puisse nous permettre de suivre ces avancements technologiques pour voir de quelle manière comprendre le vivant autrement, pour pouvoir lui poser des bonnes questions, est un des défis, à mon avis, de l'architecture. Ou en tout cas devrait être un des défis et potentiellement un des champs sur lesquels l'architecture peut se développer. Mais c'est vrai, quand je vous montre cette image de cette Akinomata, qui est une artiste japonaise de 36 ans, qui essaye de se rendre compte, c'est parce que, direct ou indirectement, l'inspiration de la compréhension de Bernard Lhermitte, comment cet animal change de coquillage pour adapter son corps, c'est-à-dire comment cette frontière dont je parlais tout à l'heure, comment cette frontière s'agrandit pendant qu'il grandit, qu'il vieillit. Elle essaye de faire avec. Ça, c'est une phrase que j'adore du français. C'est une formule que j'adore de la langue française. Faire avec. Il faut faire avec. Ça, je trouve ça magnifique. C'est rare, en fait. En tout cas, en espagnol, ça existe. Il faut construire une formule un peu plus basique. Hay que hacer, bon, ça marche pas. Voilà, c'est peut-être une piste. Oui. J'aurais encore une question de Louis, je crois, qui est principal et qui dépasse votre présentation. Je suis germanophone, donc j'espère ne pas. Je m'étais toujours. Voilà, c'est la première partie de ma question. La deuxième, la vraie question, c'est. Nous avons développé ici, dans cette école d'architecture, aussi une façon de penser l'architecture à travers les ambiances. La question, vous connaissez. Et en tant qu'Allemand, j'ai juste un petit peu lu Plessner, mais je m'étais toujours demandé, et pour ça c'est égoïste, comment Plessner peut être utile pour être fructueux pour penser les ambiances. Et je crois, j'ai entendu quelques pistes, mais je vais vous demander, peut-être que vous avez une réponse ou une idée, est-ce que ça serait un auteur utile à consulter, peut-être à traduire, à mettre en œuvre pour modifier ou pour Moi, plus que Plessner, moi, je traduirais, s'il faut traduire quelque chose, c'est Uexküll. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir un seul texte Uexküll en français, c'est assez triste. Surtout parce que lui, il a écrit un texte qui est merveilleux, qui s'appelle « Lettre biologique à une dame », qui est absolument magnifique, où il parle même de la politique. Il arrive même à pousser son idée d'Umwelt, de monde environnant, à un niveau politique. Au niveau de l'État, de dire bon, un État peut être constitué en parlant des abeilles. Mais moi, je peux pas vous répondre parce que je sens que déjà, c'est une intuition, la manière dont on peut appliquer la pensée de Plessner, la pensée, voire même de Max Scheler sur le cosmos, sur la place de l'homme dans le cosmos. Je crois qu'ils ont été quelque part reprise par Sloterdijk. Je crois que Sloterdijk aussi, il s'inscrit dans la continuité de la pensée de Plessner et de Scheler. Mais je sens que dans l'idée d'expressivité ou d'expression de Plessner, il y a un besoin de retourner à cette condition ontologique de la vie. C'est-à-dire qu'elle a besoin de s'exprimer. La vie, c'est ça, c'est une expression. La vie est une expression. En faisant attention aussi au niveau historique sur la question de l'expressionnisme en architecture. Mais je crois qu'il doit y avoir des liens, forcément. Je ne suis pas historien, donc, mais là, il doit y avoir forcément des liens. Si ce n'est pas ces pistes-là, je crois que sinon, il faut que j'avance un petit peu plus pour vous dire plus. Merci.